Pour vos idées cadeaux de Noël à prix abordable, le magasin Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini, c'est l'endroit à visiter. Le propriétaire Ken Bennett et tout le personnel souhaitent de joyeuses fêtes à toute la population et vous remercient de votre encouragement durant toute l'année. Le magasin Canadian Tire, 1751 Boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 276-2385. Et n'oubliez pas de consulter notre circulaire chaque semaine. On va parler, on continue de parler de golf. Ça, c'est des résultats quand même intéressants à Saint-Prime. Là, maintenant, on va parler avec le président du club de golf de Dolbeau-Mistassini, puisque c'était hier également l'Assemblée générale du club de golf. On parle avec Jacques Besson. Salut, Jacques. Salut. Jacques, donc, dans l'ensemble, à Saint-Prime, c'est intéressant. Est-ce qu'on peut dire qu'à Dolbeau-Mistassini, c'est une bonne année également, avec la belle température? Ouais. L'autre... Je t'affirme qu'on a fini notre année avec un budget équilibré. Là. Oui. Dans l'ensemble, on est très satisfait. Là. OK. Mais il fait beau. Quand il fait trop chaud, c'est ça nuit un peu aussi au golf. Oui. Je comprends-tu? Quand il fait trop chaud, ben, les gens, ils ne voussent pas. Okay. Oui, c'est ça. Ça nous ennuie un petit peu, ça. Ça nous ennuie, nous autres, un peu. OK. Donc, c'est un budget équilibré sur un budget de combien? Ah, ben, un budget de 360 000 $ là. OK. Oui. Fait que, mais dans l'ensemble, quand on dit que ça, c'est après amortissement, c'est ça? Avant amortissement. Avant amortissement? OK. Ouais. Après amortissement, ça, ça veut dire qu'on est moins 38 000. Moins 38 000, OK. Ouais. Donc, c'est quand même à Saint-Prime, mais on a fait quand même un profit avant amortissement. Donc, donc dans l'ensemble, on peut dire que ça a été une année quand même coup-ci, coup-ça? Ben, on est satisfait dans l'ensemble parce que, tu sais, le golf, là, c'est difficile pour les clubs de golf aussi dans la région, là. Mm. Puis nous autres, ben, avec le conseil d'administration, on travaille assez fort. On travaille fort pour améliorer la tendance des gens. On fait des spéciaux pour attirer les jeunes, surtout les jeunes. Hein. Mm. Mais on travaille fort dans ce sens-là. Mais c'est pas facile. Je te dis, là, c'est pas facile. Ben, malgré qu'on est en très bonne situation financière, nous, là. OK. Dis-moi, du côté des. C'est quoi le principal défi au cours des prochaines années pour le club de golf de Dolbeau-Mistassini? C'est de grossir sa clientèle? C'est de rajeunir sa clientèle? Premièrement, c'est ça. Okay. Attirer les jeunes de Dolbeau-Mistassini à participer au golf. C'est un sport sain, ça. Mm. Après ça, ben, les permis journaliers, les visiteurs, les attirer au club. Nous autres, ça nous apporte des revenus, ça. Dans toutes nos postes qu'on a au club, soit la pro shop, le bar restaurant en haut, plus tu invites du monde, plus tu as de l'achalandage. Ben, c'est bon pour nous autres. OK. Dis-moi, le tournoi bénéfice, est-ce que ça a été bon? Oui, c'était très bon, le tournoi bénéfice. On a eu un revenu de 31 000 $ OK. Ça, c'est à mentionner, là, parce que les marchands de Dolbeau-Mistassini, là, ils sont généreux, puis pas à peu près. Hein. Ils participent, ils nous aident beaucoup. Vous avez un bon président d'honneur aussi. Le club, il est là par rapport à ses marchands, puis à la ville aussi en même temps. Là, c'est là. Il ne faut pas vendre, c'est là. Hein? Il nous aide beaucoup. OK. Dis-moi, Jacques, qu'est-ce qu'on entend faire au cours des prochaines semaines maintenant pour continuer sur un élan? Là? C'est sûr qu'on en parle avec... que c'est toujours la température qui mène de tout, mais est-ce qu'on a un projet pour 2019, les jeunes, peut-être avoir des prix plus intéressants, peut-être un sport études, c'est-tu quelque chose qui ben pourrait... Là, on a un coordonnateur sportif. Des remontants. Puis ça a-tu donné des résultats, ça? Oui, ça était bon, comment? Ça? Ça a-tu donné des bons résultats? Oui, ça donne des bons résultats, puis ça va en donner d'autres, parce que On a un coordonnateur sportif qui va s'impliquer encore davantage pour le club. Là. Il s'implique pour le curling, le domicile, mais l'été, c'est le golf, puis il s'implique à 100%. Puis l'an prochain, pour 2019, il va s'impliquer encore plus. Il va participer à bien des activités. Il va organiser des activités pour les membres, puis les non-membres aussi. Je pense qu'on a un bon espoir sur ce côté-là. Là. Ça va améliorer, nous autres, chez nous. Là. Okay. En plus, on a des petits projets qu'on ne peut pas parler encore, là, qui ne sont pas finalisés. On a un que je peux te parler. Oui. Le terrain de pratique pour les balles va être amélioré. OK. Tous les tapis vont être changés pour 2019. Ça va faire du bien. Là. Les balles de pratique. Ben oui. C'est un gros revenu, hein, tu es au courant. Ça va être amélioré. Puis avec des tapis neufs, là, ben, je pense que ça on va pouvoir frapper des balles. On va en frapper plus. Quand on a des bons outils, on peut s'en sortir. Oui, effectivement. Jacques, est-ce qu'il y a des nouvelles personnes qui se sont joints à ton équipe? Oui, deux jeunes d'abord. OK, qui sont? Elliot Lapointe. Ah, ça, c'est bon, ça. Jeune. Oui. Moi, je ne connais pas personnellement. Là. Très dynamique. Je pense que les rapports qu'on a, c'est un bon jeune, puis il veut s'impliquer à fond. Bonjour. Après ça, Sébastien Marceau. Okay. Sébastien Marceau, c'est un bon membre, c'est un membre des membres depuis des années. Ben, cette année-là, il a dit oui, on embarque avec vous autres, puis c'est, il va y avoir des tâches pour eux autres, puis ça t'inquiète. J'ai confiance, ces jeunes-là, moi, c'est terrible. C'est des jeunes aussi, ça prend aussi. Ben oui, c'est sûr, dans le CA, parce que. Ben, nous autres, on ne sera pas là à vie. Là, non. Il reste un an à faire à peu près à tout le conseil. Là. Ouais. Ça va être des jeunes qui vont rentrer et qui vont s'impliquer à leur tour. Ouais, effectivement. Les golfs, faut s'en occuper. Ouais. Et puis, cette année-là, quoi qu'on va. Je suis en train d'organiser un lac à l'épaule. Là, ouais. Au début de février, fait que vas-tu inviter des membres, des bons membres, tu sais, des gars d'expérience qui vont avoir des bons conseils à nous donner pour essayer d'améliorer ça. Changer ce qui est à changer. Il y a des choses à faire. Là, OK. Jacques. Je ne peux pas en parler. OK. C'est pas encore officiel, mais on a un beau projet qui s'en vient, là. Avec notre coordinateur, là. OK. Puis, mais qu'on peut en dire un mot, on va vous en faire part. OK. Ben, Jacques, je te souhaite de passer une joyeuse fête, puis au plaisir de se reparler l'an prochain. Oui, bien, je t'invite à nous faire un tour. Effectivement. L'an prochain. Effectivement. Ouais. Moi aussi, bonne fête, mon Jacques Besson, le président du club de golf de Boom Sisney.